et de mystérieux pouvoirs. Comes the music. We're online. Un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. À ton étoile. de mes nuits. Ça me manquait tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi, sache que je n'oublierai rien. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Tous les vendredis soirs, normalement, c'est l'émission Mavrika. Et ça dure depuis presque 10 ans. Hein, donc on reçoit à chaque fois des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, des artistes de la région et d'ailleurs, hein, qui veulent bien se donner la peine de venir discuter avec nous de leur passion, de la musique, et puis aussi interpréter des morceaux en direct live. D'ailleurs, on en a écouté juste un en début d'émission. Alors on a écouté d'abord les Sharpers, un groupe qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais qui était il n'y a pas longtemps en concert sur Orléans, c'était à Saint-Jean-de-Bray exactement, sur un concert organisé par les Casseroles, et les Sharpers qui chantaient un morceau qui s'appelle Docteur Docteur. Juste après, c'était dans l'émission numéro 188, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est l'émission numéro 446, voilà, de Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Et dans l'émission 188, nous avions reçu Mourad qui est venu déjà plusieurs reprises, un artiste qui a été confiné et qui a été actif aussi pendant son confinement, puisqu'il a fait pas mal de petites vidéos, hein. Je vous invite à aller les voir sur Facebook si vous voulez. Donc Mourad était venu dans l'émission numéro 188, il était venu avec Fanou et il nous avait interprété une chanson, c'était une reprise de Noir Désir qui s'appelle À ton étoile. Voilà, c'était un morceau qu'on a écouté, donc qui a été enregistré ici dans nos studios. Et puis juste avant, c'était No Blush avec un morceau qui s'appelle Get Down. No Blush, un groupe qui est déjà venu à 2 reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors habituellement, effectivement, on a des invités. Là, en ce moment, c'est une période un petit peu spéciale, donc on est obligé de venir ici tout seul dans les studios. Donc je suis là, mais je vous ai amené pas mal d'enregistrements. On va écouter pas mal de choses. Alors depuis le début de l'année, on a reçu quand même des artistes. On va quand même les citer. On a reçu Doug, on a reçu Mathis Poulain qui a été aussi très actif pendant le confinement. Les Vilaines Choses, Antoine Ménager, Soul Latitude, Roxy Moore, Min Circle, Red Daff, Ditzy. Et puis après, effectivement, il y a eu le problème, quoi. Donc, depuis un petit moment, il n'y avait pas d'émission Mavrika. Et là, ça redémarre. Ça devait démarrer la semaine dernière, mais c'était un petit peu trop juste, donc on n'avait pas tout préparé. Et là, donc, le 29 mai, l'émission Mavrika revient. Et c'est l'édition numéro 446. Et nous allons écouter pas mal de choses. Alors, on a eu pas mal de petits messages d'artistes qui sont déjà venus, des artistes aussi qu'on connaissait pas, qui nous ont envoyé aussi des enregistrements. Et l'émission sera donc consacrée à tous ces artistes qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie d'aller voir en concert. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Radio Arc-en-Ciel. Mavrika.

valley and the moonlight. Silence is raging. Seems so far away.

his throne, and things never be the same. If we change the rules of the game, so sing along with me, sing along. It will keep you strength, it'll keep you strong, and things never be the same. If we change the rules of the game, if we change the rules of the game, if we change the rules of the game, it will change the rules of the game. Voilà, donc une émission un petit peu spéciale, l'émission Mavrica numéro 446, l'émission du redémarrage. Hein, et effectivement, depuis quelque temps, tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel n'ont pas pu venir à la radio, à la station, parce que finalement c'était fermé hein, avec tout ce qui s'est passé. Je crois que vous tous, vous avez été confinés. Et pendant le confinement, justement, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont envoyé des enregistrements et on vient d'en écouter quelques-uns. On les a écoutés à la suite, comme ça je vous laisse le plaisir vraiment de les savourer au maximum. Alors on avait commencé justement avec un premier groupe, c'était le groupe Orpheum Black qu'on a reçu il n'y a pas très très longtemps. C'est un groupe qui est tout récent, mais avec des gens qu'on connaissait déjà, qui viennent d'autres groupes, qu'on avait déjà reçus dans d'autres formations. Enfin, Orpheum Black, c'est un groupe vraiment qui promet, parce que ils bossent vachement, ils font quelque chose de super bien, et là ils nous avaient envoyé un enregistrement qu'on a écouté tout à l'heure qui s'appelle Silent. Juste après, on a écouté aussi les Miss Gradenko, un groupe que nous avons déjà reçu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils nous ont envoyé aussi leur petit enregistrement, parce que justement c'est le moment, ils étaient à la maison, ils étaient confinés des fois certains ensemble et ils ont pu faire des enregistrements, ou alors des fois à distance aussi grâce à internet on arrive à faire plein de choses pas croyables il y a encore quelques années. Donc Miss Gradenko avec un morceau qui s'appelle My Road Song, et juste à l'instant c'est Monsieur Jack F que nous avions connu comme le chanteur des Stingers et qui est revenu quelques temps après avec ce nouveau projet, c'est Jack F, Jack Février. Alors à l'origine Jack F chantait en français. Et il nous avait déjà dit qu'il avait aussi envie de chanter quelques chansons en anglais. Et c'est le cas avec cette chanson qui s'appelle The No Name Song, voilà. La chanson qui n'a pas de nom, justement, elle n'a pas de nom, et c'est notre ami Jack F. Alors, il n'est pas le seul à nous envoyer des petits messages. Alors, certains nous ont envoyé des petits messages écrits que je vous lirai tout à l'heure, hein, avant de passer les morceaux, et d'autres nous ont envoyé des petits messages enregistrés. Et c'est le cas de Fab du groupe Custom, le groupe Custom qui devait faire partie du Mavrica Live, qui lui aussi a été annulé. Enfin, ce n'est que partie remise. Dès qu'on pourra le faire, on le refera, il n'y a pas de souci. Donc, le Mavrica Live, il devait y avoir le groupe Custom. Ça ne s'est pas fait, hein. Donc, on va prendre les mêmes, on va recommencer au mois de novembre, on vous tiendra au courant d'ici là. Et pour l'instant, on va écouter le petit message de Fab et juste après, un petit morceau des Custom qui s'appelle Bad Day. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Thank you. by looking the lost people who just walking down the street. They look in the mirror but they can't see no face. They don't know who they are. They don't know where they go. They don't know why they be here. They don't know about nothing. I'm chained and break up chaining because all around that world is behind that party. C'est Florent Migo. Je suis heureux de vous retrouver. Bonne écoute à tout le monde sur le 96.2 Radio Arc-en-Ciel. envie de rien. Avec toi, pas de lendemain. Tu es juste un être malsain. Tu n'as été qu'un mauvais délire. Une histoire pour se nuire. Et pour éviter le pire, je te jette. Fini les prises de tête. Je te jette. Sinon, je t'arrache la tête. Je te jette. Encore un groupe que nous devions recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Justement, c'était programmé. On fait une programmation plusieurs mois à l'avance. Et justement, le groupe s'appelle Infernal Flash Pep. Ils sont déjà venus il y a quelques temps. Et Infernal Flash Pep, nous a envoyé un morceau qu'ils ont enregistré, qui s'appelle, que je connaissais déjà parce qu'ils l'ont déjà interprété en concert. Si vous avez déjà eu l'occasion de les voir, je pense que vous avez apprécié. Si vous ne les avez pas encore vus, justement, précipitez-vous, allez les voir en concert. Le groupe Infernal Flash Pep, dès que ça sera possible, bien évidemment. Donc le morceau s'appelle Je te jette. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et vous écoutez l'émission Mavrika.

Voilà, merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet hein, à travers la toile. Vous pouvez nous recevoir dans le monde entier sur l'adresse radio-arc-en-ciel.fr. Vous avez pu constater aussi que l'émission commençait un peu plus tôt. Hein, c'est 7h30 au lieu de 8h30 hein, le vendredi soir. On était habitué, tellement habitué à commencer tôt. Et elle se terminera à 22h30. Voilà, un petit peu plus tôt aussi. Voilà. Et dans cette émission, ben, on écoute pas mal de choses parce qu'on a eu beaucoup d'artistes qui eux sont chez eux et qui auraient voulu se produire en concert et malheureusement c'est pas possible. Donc pour l'instant, on a écouté Delorto avec un morceau qui s'appelle Psyché. Hein, c'est une démo qu'ils nous avaient envoyée. Et puis le groupe Delorto qui envoie du bois. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller les voir sur scène, n'hésitez pas si vous aimez le gros son qu'ils envoient, quoi. On a écouté aussi le groupe Min Circle juste avant. C'est un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps, que nous avons découvert. Un groupe super super bien. Et puis le morceau qu'on a écouté s'appelle Storm. Les Full System. Les Full System, c'est un groupe qu'on devait accueillir à nouveau parce qu'ils étaient déjà venus il y a quelques temps. Donc entre temps, il y a eu de l'actualité et on aurait bien voulu qu'ils viennent. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Modern Mess. Voilà, on est toujours sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Maurica. Et on va continuer un petit peu à découvrir des artistes. Peut-être les connaissez-vous si vous écoutez l'émission Maverica, ou peut-être allez-vous les découvrir ce soir. Donc il y a quelques temps, ça fait déjà quelques années, hein, on a reçu ici un monsieur qui s'appelle Jordan Moreau. Et depuis, vous pouvez chercher sur Facebook par exemple, il publie assez régulièrement des vidéos dans lesquelles il interprète des reprises. Hein, il fait beaucoup de reprises en acoustique. Et je vous propose d'écouter un morceau, c'est une reprise du groupe Limp Bizkit qui s'appelle Behind Blue's Eye et c'est monsieur Jordan Moreau. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, the heart is empty, as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Thank you.

vous avez bien entendu reconnu le groupe Lajari. On avait décidé en 2020 que ça serait l'année de Lajari. Un groupe qui vient régulièrement, tous les ans, il vient ici dans les studios. Un des plus grands groupes de la région orléanaise, hein, qui sont connus mondialement, sont régulièrement en tournée. Et je vous invite aussi à aller voir les petites vidéos parce que tous les jours, ils font des sessions acoustiques sur Facebook. Et donc, vous pouvez voir les deux frères, Benoît... et David qui enregistre des petites sessions voilà dans leur jardin, etc. Et justement, là, on vient d'écouter un morceau qui date de 2012, si je me trompe pas. Il s'agit de Radio Robot, hein, sorti dans l'album Radio Robot, où il dénonce un petit peu les radios d'aujourd'hui. Hein. Pas la nôtre, hein, parce qu'il vient avec beaucoup de plaisir, en tout cas, sur Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Maverica. Mais certaines radios qui sont devenues automatiques, où il n'y a personne qui parle. Et c'est un petit peu dommage. Où sont les radios libres, comme ils disent? Nous, on est un petit peu une radio libre encore, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Juste avant, c'était les vilaines choses qui nous parlaient de quelque chose de très important, surtout en France. Ils disaient à table, donc les vilaines choses qui nous interprétaient ce morceau, et les vilaines choses qui étaient une des découvertes de l'année 2020, puisqu'ils sont venus il y a quelque temps, et des gens super sympathiques, et ça donne vraiment envie. Moi, je les ai pas encore vus sur scène, mais ça donne vraiment envie de les voir. Je pense qu'on doit passer un super bon moment. Et on avait commencé cette petite série musicale, je vous l'avais présenté déjà tout à l'heure, c'est Jordan Moreau. On essaiera de le faire venir dès que ce sera possible, parce que juste avec une guitare, et puis il nous fait il a une voix excellente. C'était une reprise donc de Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica, et on va continuer avec un groupe que nous avons découvert aussi cette année. Il s'agit de Zbla. Thank you. Voilà, à l'instant, une découverte. Il s'agit de Fabien Gontier. Fabien qui aurait dû venir pendant le confinement, hein, c'était prévu. Il devait venir avec Michael Davorias du groupe Avorias que nous avions reçu il y a déjà pas mal d'années. Justement, ils devaient nous présenter un peu leur travail et puis interpréter des morceaux en direct live. Alors, Fabien nous a envoyé ce morceau. Il s'appelle « Aller sans retour ». Vous avez pu apprécier la qualité de ces chansons. Donc, on espère très bientôt le recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Vous êtes dans l'émission Mavrika et puis on va continuer avec un petit peu le confinement. On a reçu un petit message d'un groupe qui s'appelle Thérèse Électrique. Voilà. On va commencer par celui-là parce qu'il y en a encore d'autres après derrière. Donc Thérèse Électrique, un groupe qu'on suit déjà depuis pas mal de temps. Ils ont déjà fait des Mavrika live avec nous. On les voit assez régulièrement en concert. Ils viennent ici avec beaucoup de plaisir. On les reçoit ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et là, pendant le confinement, ils ont fait des choses. Donc voilà le petit message, je vais vous le dire. Bonjour les amis, nous avons profité du confinement pour nous atteler à l'enregistrement d'un EP 5 titres de Thérèse Électrique. Voici le premier extrait. Donc ils nous demandent, n'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions. Donc si vous les connaissez, si vous les connaissez pas, justement, vous pouvez aller aussi sur les réseaux sociaux, vous cherchez Thérèse Électrique, il doit pas en avoir deux dans le monde, et vous leur dites voilà, c'est bien ce que vous faites ou c'est pas bien, hein, ou alors s'il y a des petites choses à apporter. Mais pour ma part, je pense que vous allez apprécier. Le morceau qu'on va écouter juste après, c'est un morceau justement de Thérèse qu'ils ont enregistré. Et ça s'appelle La Tempête, Thérèse Électrique. La tempête. Voilà, donc c'était le nouveau morceau de Thérèse Électrique. Voilà, un groupe qu'on suit déjà depuis pas mal de temps. Et j'espère que ça vous a plu, en tout cas, qui sème le vent récolte la tempête, hein, Thérèse Électrique. Voilà, on a reçu aussi d'autres messages. Hein. Tiens, je vais vous en lire un tout de suite. Et puis comme ça, vous saurez de qui il s'agit. Salut à toute l'équipe Mavrika. Vraiment heureux que vous puissiez redémarrer l'émission. Voilà, aujourd'hui, c'est l'émission du redémarrage. L'émission numéro 446. On arrive bientôt à 500. Et bien, on arrive bientôt à 10 ans de l'émission. C'est normalement, ça devrait tomber dans la semaine prochaine, puisque c'était le 4 juin ou le 3 ou le 4 juin, je ne me souviens plus exactement. Donc c'était en 2010, donc ça fera exactement 10 ans que nous faisons cette émission. Et là, c'est un peu des conditions particulières, mais bon, c'est quand même, on va quand même le fêter entre nous, il n'y a pas de souci. Alors, salut à toute l'équipe Mavrika, vraiment heureux que vous puissiez redémarrer l'émission, même si pour le moment, vous ne pouvez recevoir des groupes. De Ruiz avait commencé l'année 2020 avec pas mal de petits concerts de prévus, et malheureusement, comme beaucoup d'autres formations, nous avons dû interrompre ces dates. En attendant de meilleurs jours pour tous, nous vous proposons ce titre enregistré avec les moyens du bord en s'envoyant des MP3. Les temps modernes. Alors c'est un titre qui a été écrit par Eric Navarian bien avant le confinement. Il rencontre toujours un bon succès en concert. Nous vous proposons de le découvrir et de le partager. Pour ceux qui aiment les textes, les références aux films de Charlie Chaplin sont nombreuses, tout en causant d'une époque dont nous avons malheureusement encore pu voir les limites avec la crise que nous traversons. Nous faisons une grosse bise virtuelle, bien entendu, et souhaitons un bon retour à votre émission fétiche. Alors c'est Guillaume du groupe De Ruiz. Le morceau s'appelle « Les temps modernes » et on va justement l'écouter tout de suite. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Charlie était de ce monde aujourd'hui, que penserait-il de nos temps modernes? si Charlie était de ce monde aujourd'hui, que penserait-il de nos temps modernes? Ah, si Charlie, si Charlot était de ce monde aujourd'hui, que penserait-il de nos temps modernes? Ah, si Charlot, si Charlie était de ce monde aujourd'hui, que penserait-il de nos temps modernes? Voilà, donc c'était un petit clin d'œil comme ça à Charlie Chaplin. Les temps modernes, c'était le groupe The Riz. On avait reçu aussi un groupe qui s'appelle Kill the Shade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le groupe s'appelle KTS. Voilà, pour les intimes, on va dire ça comme ça. Alors le groupe KTS nous a envoyé aussi un petit fichier informatique audio et qu'on va vous diffuser tout de suite. Hein. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle, c'est la cinquième piste. Apparemment, il y en a plusieurs, mais on en a envoyé plusieurs. Mais sont dans le désordre, donc on va essayer de les découvrir au fur et à mesure, et puis de toute façon dès que ça sera possible, ils reviendront dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Le groupe KTS, donc il nous envoie un morceau, Rue des Cœurs, et il n'y avait pas vraiment de petits messages avec, mais bon, je vais vous le représenter quand même. L'énergie des KTS est une vague intéressable qui vous propulse sur les rives du rock depuis 2014 quand même. Au programme complicité, feeling et énergie brute, des riffs acérés et des rythmes groove entre mélodie et fureur, se nourrissant d'influences telles que System of a Down, Kotsa, The Offspring, Faith No More, Low Pop, Suicide, FL, No One Is Innocent, Tool, la force du chant rock, allie sensibilité et noirceur, les paroles poétiques déclinent nos sentiments, nos états d'âme et la vie. Elles sont à découvrir sur le blog, effectivement, vous pouvez chercher KTS, Kill the Shade sur Internet, vous aurez plus de choses, ou alors vous pouvez aussi acheter le disque, et justement, c'est écrit dans le livret, hein, toute l'histoire, et c'est écrit en anglais et en français. Alors, leurs concerts sont l'occasion de voir surgir la foule et la puissance du son KTS, un groupe qui a une façon bien à lui de sortir de l'ombre et de tuer l'obscurité. Généreusement rock, le groupe Kill the Shade. Yeah. Down. ceux qui aiment le rock, ils ont été gâtés. Hein. Une petite série musicale. On a commencé avec les Summer Chains, un groupe que nous avons reçu déjà plusieurs reprises. Un groupe qu'on aime bien en plus. Hein. Ça envoie du bois et puis on a hâte de les retrouver sur scène. Vraiment, ça commence à nous manquer. Le morceau s'appelle Astronaute. Voilà. Juste après, c'était les Sons of Distortion avec Night Shift. Et à l'instant, c'était les Red Shift, un groupe parisien, voilà, avec lequel on a des contacts, tout simplement parce que le chanteur, bah, c'est le chanteur d'un groupe que nous avions reçu tout au début de l'émission Mareka. Ça commence à dater. C'était dans les premières années. Ça devait être 2011-2012. Et c'était le groupe Ocean, d'ailleurs je ne me souviens plus. Bah, je vais le retrouver, c'est pas bien grave, on va le retrouver. Ocean Wild, voilà, ça, il suffit que je sois dans le micro pour que ça me parte. Ocean Wild, que nous avions reçu dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Light Me Up, et comme vous avez pu le constater, bah, ça envoie du bois, hein, quand même, c'est de la musique comme on aime bien sur Radio Arc-en-Ciel, et voilà, dans l'émission Mavrica en tout cas. Je vais vous parler aussi d'un autre groupe, parce que... non, c'est même pas un groupe. On va le garder pour tout à l'heure, celui-là, et on va en parler de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, il a été chroniqueur dans l'émission Mavrica, il a eu son émission aussi qui s'appelait Ça va le faire. Il est toujours musicien, ça il n'arrêtera pas, même si aujourd'hui il est plus à la radio, il a été animateur quand même pendant un certain temps. Ce monsieur s'appelle David McLean, voilà. Il y avait une chanson qui l'avait sortie il y a déjà pas mal de temps, qu'on connaissait bien d'ailleurs, qu'on reprend en chœur à chaque fois qu'il l'interprète, qui s'appelle L'amour est déclaré. Alors il y a eu un nouvel enregistrement, il y a eu un nouveau clip. D'ailleurs vous pourrez regarder le clip, hein, vous cherchez sur YouTube ou sur Facebook simplement le David McLean, L'amour est déclaré, et regardez-le attentivement ce clip-là. Vous m'en parlerez juste après dès que vous l'aurez vu, parce qu'il y a une petite surprise. Hein. Regardez. Hein. On va l'écouter tout de suite. Donc la nouvelle version 2020 de L'amour est déclaré de Monsieur David McLean. Je dois me rendre à l'évidence. cette femme est sans pitié. Elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la. Donc la version 2020 de L'amour est déclaré de notre ami David McLean. Alors si vous avez regardé le clip, moi j'attendais une petite réaction parce que je voulais pas le dévoiler comme ça. Effectivement, ben j'en ai eu plusieurs. D'ailleurs, vous êtes assez nombreux sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages. L'émission va se terminer un peu plus tôt ce soir, donc il faut en profiter au maximum. Sinon après vous avez toute la semaine, je pourrais vous répondre au fur et à mesure. Il y a pas de souci. Ben justement, il y a un monsieur qui est aussi dans le clip. Voilà, dans le clip, il y a plusieurs personnes qui interprètent cette chanson. Hein. C'est une chanson qui demande à ce qu'on reprenne en chœur justement la la la la la etc. Et donc il y a plusieurs personnes qui sont filmées chez eux hein, pendant le confinement et qui ont envoyé le fichier à notre ami David qui l'a fait monter. D'ailleurs le clip est très bien monté et vous pourrez reconnaître notre ami Florent qui enregistre l'émission habituellement hein, et qui nous écoute en tout cas ce soir et il est dans le clip hein, vous pouvez aller le voir justement si vous ne savez pas qui c'est, vous le connaissez un petit peu à travers la radio, mais vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, il y a aussi une petite apparition de moi-même. Donc voilà, on en profite un petit peu pour chanter. Comment ne pas avoir envie de chanter cette chanson-là ? L'amour est déclaré, notre ami David McLean. On va continuer avec d'autres morceaux. Hein. Là, je vous ai préparé pas mal de choses. Il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Uncommon Men from Mars et ce groupe là malheureusement a disparu hein, mais il avait tourné avec les Burning Heads etc. Il avait fait beaucoup de concerts, je me souviens plus, 70, 40, je me souviens plus combien de concerts ils ont fait à travers la France avec les Burning. Et je propose qu'on écoute un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Lifetime Bus Stop. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. We'll be right back. be exposed. Who untied this now? Who untied this now? I'm Yeah. which is what you should be. You should be. Encore trois groupes, hein, trois groupes que je vais vous présenter. Donc le premier, c'est un groupe parisien avec lequel on a eu des contacts. Ils sont pas encore venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on les connaît pas encore bien, mais en tout cas le morceau qu'ils nous ont interprété. Alors le groupe s'appelle Plugin et le morceau s'appelle Smoke Up on the Mountain. Juste après un groupe que nous avons déjà reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein, c'était cette année, hein, donc c'est pas vieux. Il s'agit du groupe de Dizzy. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Black Vultures. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé en anglais. Et à l'instant, c'est un groupe que vous connaissez peut-être avec d'autres morceaux. Hein. C'est le groupe Patient Z. Groupe Patient Z qui actuellement, avec le coronavirus, voilà, on cherche toujours le patient zéro. Et je pense qu'on l'a trouvé. Hein. C'est le groupe Patient Z d'Orléans. Donc le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau en anglais, hein, parce que maintenant ils chantent beaucoup en français. Et il s'agit de My Best Enemy. Voilà. Je vais vous parler d'un groupe que je ne connaissais pas encore. Il s'agit de Neutol. Alors c'est un groupe qui m'a envoyé un petit message. Il dit voilà, j'ai vu l'annonce sur Facebook, donc je vous envoie aussi un petit fichier informatique que vous pourrez diffuser avec notre musique. Alors Neutol est un groupe de rock progressif tourangeau composé de 4 musiciens. Alors il y a Toff au chant et à la guitare, il y a Mickey à la guitare, il y a Norms à la basse et il y a FX à la batterie. Tiens, je connais un FX à la batterie. Il y en a déjà un qui est venu ici. Je ne sais pas si c'est le même. Enfin, on verra bien. Depuis 20 ans, le groupe a su séduire un large public au fil des concerts, assaillant les scènes de riffs percutants et mélodiques. Le 20 avril 2019 est sorti leur album. Alors, l'album s'appelle Free Your Mind, dans lequel vous pouvez retrouver des featuring aussi étonnant qu'énergique. Le groupe se fait plaisir de venir défendre ce dernier opus sur scène et de le faire diffuser dans l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà ces petits messages, ça me fait plaisir. Alors Neutol a partagé la scène avec Monochrome, Chéri Valence, Right for Live, 7-8 et Uncommon Man from Mars, qu'on a écouté tout à l'heure d'ailleurs. Et après, je vous ai aussi calé un petit Burning Head. D'ici la fin de l'émission, on va écouter tout ça. On a encore plein de choses à découvrir. Donc là, pour l'instant, on découvre le groupe Neutol. Moi, j'ai écouté, j'ai trouvé ça super bien. Alors, ça s'appelle I Don't Care. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Yeah. Voilà, on vient de découvrir donc le groupe Neutol. J'espère que ça vous a plu. On va en voir après si on peut les contacter. En tout cas, ça nous fait plaisir de savoir que les gens sont intéressés toujours pour passer dans l'émission Maverick. Alors, j'ai eu beaucoup de messages où on me demande quand est-ce qu'on pourra passer puisque notre émission a été annulée. Est-ce qu'on pourra avoir une prochaine date? Alors, pour l'instant, c'est pas encore fixé. Alors, pour l'instant, l'émission Maverick, c'est encore en mode un peu confinement. On fait un petit peu attention. Les animateurs, il y en a très peu qui viennent. Ceux qui viennent, et il y a toujours une demi-heure entre chaque émission. Donc voilà, il y a quand même des règles à respecter. Alors pour l'instant, moi, je suis tout seul aux commandes et puis je vous diffuse pas mal d'enregistrements. On a de quoi faire. On peut faire des émissions comme ça très longtemps. Et dès que ce sera possible, ben, on commencera à avoir des invités, etc., comme on faisait jusqu'à présent. En attendant, si vous êtes chez vous, vous avez fait de la musique, vous avez envie que ce soit diffusé, n'hésitez pas à me contacter, hein, tout simplement. C'est moi qui suis derrière sur le Facebook de l'émission Maverika. Vous allez tout simplement chercher Maverika Albino, bah c'est moi-même, et vous envoyez un petit message, vous envoyez vos fichiers, alors en qualité quand même WAV ou MP3 de haute qualité quoi, et de manière à ce qu'on puisse les diffuser. Et n'hésitez pas aussi à enregistrer un petit message. Alors tout à l'heure j'ai diffusé le message de Fab, c'est vrai qu'il a eu un petit peu du mal à passer, mais bon, au moins ce qui compte c'est le message, on arrivait quand même à comprendre ce qu'il voulait dire. Et le fait que ce soit, voilà, c'est un petit message qui nous a été fait comme ça, c'est spontané. Salut l'émission Maverika, on est tel groupe, on vous envoie ce qu'on a fait dernièrement, et puis voilà, ça nous fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous contacter par l'intermédiaire de Facebook, et après vous pouvez aussi nous envoyer vos fichiers s'ils sont trop grands sur maverika@live.fr. Ça peut pas être plus simple, hein. maverika@live.fr. Vous nous envoyez les petits fichiers et puis nous on les diffusera avec beaucoup plaisir dans les prochaines émissions. Et sinon, de toute façon, on a plein de choses à écouter, plein de choses, plein d'émissions qu'on a enregistrées. Nous, dans l'émission Maverika, on a beaucoup d'enregistrements qui ont été faits ici dans l'émission en live, dans les conditions vraiment réelles, en direct live. Et donc on vous diffusera ça avec beaucoup de plaisir. En attendant, l'émission se continue, hein. On est ensemble jusqu'à 22h30. Hein, l'émission Maverika se termine un petit peu plus tôt. Voilà, c'est les horaires du confinement. Et en attendant, on va continuer à écouter de la bonne musique. Alors, je vous ai calé pas mal de choses. Hein. Je vous ai calé, tout à l'heure, je vous l'avais dit, un petit Burning Head. Voilà, Burning Head. C'est calé avec une de leurs dernières chansons. Hein. Vous savez, les Burning Head sont déjà à deux reprises. Alors, ils sont jamais venus au complet, malheureusement. Mais c'est le bassiste qui vient à chaque fois, Jean-Benoît, JBE, qui vient nous parler du groupe et nous envoyer des nouveaux enregistrements. Et justement, c'est le cas. C'est un enregistrement qu'il nous avait laissé. On écoutera aussi les Silences Radio. On écoutera The Patient, c'est un artiste qu'on aime beaucoup. On écoutera Warless, on écoutera A Movement of Return, Maisel, et on va retourner dans les enregistrements qui ont été faits ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Maverika. Il s'agissait de l'émission numéro 415. Nous avions reçu le groupe Missing et on va écouter un morceau qui s'appelle No Roots. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, restez avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, le temps passe très vite, il y a plein de choses à diffuser et on se retrouvera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, l'émission Maverika continue. Restez avec nous. We'll be right back. se réveille comme un poids dans le dos. Quand la marée humaine déferle sur l'hémisphère, en dehors des soirées mondaines, la race comme un désert. Bienvenue dans la poudrière, démocratie totalitaire. Bienvenue, bienvenue. Cloîtrés dans vos bureaux, le manque de franchise, mise à mort du complot. Il restera des séquelles, des bouteilles à la mer. Au pied de la tour Eiffel, flottent vos râles amères. Bienvenue dans la poudrière, démocratie totalitaire. Bienvenue. Se réveille comme un froid dans le dos. Le citoyen pyromane, fauteur de troubles, lanceur de pierres, court dans les rues de Paname. Bienvenue dans la poudrière. Le citoyen bonnet d'âne se réfugie dans sa tanière quand l'heure est à la tisane. Bienvenue dans la poudrière. Bienvenue dans la poudrière, citoyen, pyromane, n'a pas passé du monde des armes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la poudrière, citoyen, pyromane. Bienvenue dans la poudrière. the time that I spend with you, you know. I try to do my best, I try to do, and I try to be where you want I be, you know, baby, but I'm currently mental. Thank you. myself into the sky. You're away for the summer. le groupe Amor, A Movement of Return, avec le titre Thunder. Voilà un groupe que nous devions recevoir dans l'émission Mavrika. On va essayer de voir, garder le contact et puis les recevoir prochainement. On avait commencé cette série avec les Burning Heads, donc ensuite c'était A Movement of Return avec Thunder. Juste après, il y aura Miles L, City of the Star, et à la fin, on terminera avec Missing No Roots, un enregistrement fait dans l'émission numéro 415 de Mavrika. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Moi, je vais vous dire au revoir. Restez sur Radio Arc-en-Ciel. Continuez d'écouter les autres animateurs. Ils ont repris aussi, comme moi, cette semaine. Et bon, c'est toujours un plaisir de les retrouver à l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Nous, on ne fait pas que des radios automatiques, en tout cas. Voilà, il y a Irène, je crois, qui nous fait un petit signal à la fin de cette émission. Merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. Restez sur Radio Arc-en-Ciel. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le Mavrika numéro 447. Et ça sera à partir de 19h30. Salut! never underground. I've got no roots from my home. Was never underground, no roots. I've got no roots. I've got no roots from my home. Was never underground. I've got no roots from my home. Was never underground, no roots. I've got no roots. I lost and still, boy, that's just a wish to play. Ask me where I come from, I say a different way. Travel like gypsy in the night. I can't get the numbers and play the guessing name. It just applies that changes the words, it still the same. Travel like gypsy in the night. Was never underground. I've got no roots from my home. Was never underground. No roots. I've got no roots. I've got no roots from my home. Was never underground. No roots from my home. Was never underground. No roots. I've got no roots. I like the home. Hiding things inside them. When I grow old, I won't forget find them. I like digging holes. Hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. Home was never on the ground, but my home